Leçon 3. Style de musique. Musique. Jazz. Contrebasse. Batterie. Piano. Saxophone et trompette. Musique. Rap. When I get signed, homie, I'ma buy strap. Straight from the CIA, set it on my lap. Take a few M16s to the hood. Pass them all out on the black horse good. I'ma put the cops swap me by the White House. Republican run up, get sucked out. Hit the press, Cuban link on my neck. Educated, but I got $1 million check. Hold on. We should never gave. We should never gave. Brothers, let me go back home. Musique. Cubaine. Puerto voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Musique classique. Musique. Rock. Yeah, getting a shiver in the dark. It's raining in the park at main time. Sound really used on you. Oh, everything, come on now. Leçon 4. Récapitulatif. Musique. Musique. Musique. Musique. Musique. Batterie. Musique. Batterie. Musique. Batterie. Musique. Batterie. Musique. Batterie. Contrebasse. Batterie. Contrebasse. Batterie. Contrebasse. Batterie. Contrebasse. Batterie contrebasse. Batterie saxophone. Saxophone contrebasse. Saxophone. Batterie contre saxophone. Batterie saxophone. Saxophone contrebasse. Saxophone. Batterie contre saxophone. Batterie saxophone. Saxophone. Saxophone. Saxophone. Saxophone. Batterie contre saxophone. Batterie saxophone. Batterie contre saxophone. Batterie contre saxophone. Musique.